Le doigt droit. Moro, linguista, Shoba, Toro, le doigt droit. Roi, moi, ouest, loué, le doigt droit. Virlangue, poisson, sa boisson, c'est poison. Répétez. Il boit trois boissons. Pourquoi ce choix? J'ai froid. Dis-moi ce que tu crois. Attention. Lui. Mouette, muette. Saluer, saluer. Répétez. Lui. Mouette, muette. Saluer, saluer. Répétez. Manuel comeu chauvas. Cette fois, je vais louer à moi. O touro creceu pouco. Le roi a un oiseau noir. À bientôt.